Tout le temps, partout, ensemble, chez nous. Tout le temps, partout, ensemble, chez nous. Elle est à nous, elle est à nous, cette nuit d'amour. Elle est à nous, elle est à nous, cette nuit d'amour. Attention croissant de lune, car le soleil nous épie. Il nous guette sans répit à travers les nuages. Accroche-toi demi-lune, car le soleil nous ennuie. Il envie notre nuit, ses yeux nous dévisagent. Notre amour ne l'aide plus, le soleil le détruit. La nuit se change en jour, nos jours sans lendemain. Au secours nos belles lunes, le soleil a tout pris. Rendez-vous d'amour auquel on appartient. Attention croissant de lune, car le soleil nous épie. Il nous guette sans répit à travers les nuages. Accroche-toi demi-lune, car le soleil nous ennuie. Il envie notre nuit, ses yeux nous dévisagent. Notre amour à pleine lune, le soleil le détruit. La nuit se change en jour, nos jours sans lendemain. Au secours nouvelle lune, le soleil à tout prix. Les rendez-vous d'amour auxquels on appartient. À travers les nuages, à travers les nuages. À travers les nuages, à travers les nuages. À travers les nuages. Elle est à nous, elle est à nous, cette nuit d'amour. Elle est à nous, elle est à nous, cette nuit d'amour. Elle est à nous, elle est à nous, elle est à nous, cette nuit d'amour. Attention croissant de lune, car le soleil nous épie. Il nous guette sans répit à travers les nuages. Accroche-toi demi-lune, car le soleil nous ennuie. Il envie notre nuit, ses yeux nous dévisagent. Notre amour ma pleine lune, le soleil le détruit. La nuit se change en jour, nos jours sans lendemain. Au secours nouvelle lune, le soleil à tout prix. Les rendez-vous d'amour auxquels on appartient.